Chapitre 3e. Vers 6 heures, le lendemain matin, Magdalène fut réveillée par les rayons du jour naissant, qui vinrent la chercher au fond de sa chambrette dans Rosemary Lane. En sortant de ce sommeil profond et sans rêve où elle était restée toute la nuit, elle éprouva l'étonnement pénible que connaissent tous ceux qui ont dormi dans quelque lit étranger. Nora. Cet appel machinal lui échappa dès qu'elle ouvrit les yeux. Puis, la minute d'après, sa pensée s'éveillant à son tour, elle se rappela la vérité tout entière. Elle parcourut du regard cette misérable chambre garnie, avec un retour du dégoût qu'elle lui avait déjà inspiré la veille. Le contraste, rebutant de tout ce qu'elle voyait avec le confort élégant de sa propre chambre à coucher, la négligence de soi-même, qu'impliquait l'absence de ces 1000 détails auxquels une éducation recherchée avait habitué son enfance, blessait en elle ce sentiment de dignité corporelle qui, chez une femme de mœurs raffinées, devient pour ainsi dire une seconde nature. Si mesquine que dût sembler une telle influence, mise en regard de la situation où elle se trouvait, le simple aspect de la cruche et de la terrine déposée dans un coin de la chambre détermina la première résolution qui suivit le réveil de Magdalène. Elle se décida, sans plus de retard, à quitter Rosemary Lane. Mais comment en sortira-t-elle, avec ou sans le capitaine Raig? Elle s'habilla, ne touchant qu'avec 1000 scrupules aux objets avec lesquels il fallait, de toute nécessité, que ses mains ou ses vêtements fussent en contact. Puis elle ouvrit la fenêtre. La brise d'automne passait, fraîche et pure. Le petit coin de ciel que la jeune fille pouvait apercevoir étincelait déjà des splendeurs matinales. Le silence de cette heure paisible n'était rompu çà et là que par les voix lointaines des bateliers sur la rivière et le gazouillement des oiseaux nichés dans l'épaisse végétation qui revêt le sommet des vieilles murailles. Elle s'assit près de la fenêtre, tâchant de retrouver le fil des pensées que, la veille au soir, son épuisement l'avait forcée d'interrompre. Le premier souvenir qui s'offrit à elle fut celui du capitaine Raig. L'agriculteur moral n'était point parvenu à lui inspirer la moindre confiance personnelle. Malgré sa franchise habile et le soin qu'il avait pris de confesser ouvertement les impostures dont il se servait pour tromper le tiers et le quart, il lui avait donné une plus haute idée de ses talents. Il l'avait amusé par ses saillies, il l'avait étonné par son aplomb, mais il lui avait laissé la conviction qu'il était un drôle, justement au même degré où elle l'avait dès le début de leur nouvelle relation. Si elle n'eût eu d'autre projet en ce moment que celui de débuter au théâtre, elle aurait rejeté immédiatement, à ses risques et périls, l'assistance plus que douteuse de ce misérable vagabond. Mais le périlleux voyage où elle venait de s'aventurer devait, selon elle, la conduire à un autre but, bien sombre et bien obscur encore, et sur la route duquel étaient semés des pièges bien autrement profonds que ceux où peuvent tomber les simples aspirants à la carrière dramatique. Dans le calme mystérieux de la matinée, les pensées de Magdalène s'étaient arrêtées sur ce projet ultérieur, bien autrement hasardeux que le premier, et la méprisable figure de l'escroc lui apparut alors sous un nouvel aspect. Elle aurait pourtant bien voulu l'exclure de ses combinaisons et ne pas descendre jusqu'à lui dans les bas-fonds où elle l'avait toujours laissé. Après les derniers petits soins donnés aux détails de sa toilette, elle tira du corsage de sa robe le sachet blanc qu'elle avait fabriqué elle-même à Combraven pendant la soirée des adieux. Il se fermait au moyen de 2 cordonnets de soie. Après l'avoir ouvert, le premier objet qu'elle en fit sortir fut une boucle des cheveux de Frank, retenue par un fil d'argent. Puis vint une feuille de papier sur laquelle était la copie qu'elle avait prise, par extrait, du testament de son père et de la dernière lettre qu'il eut écrite. Enfin, un paquet de banknotes étroitement comprimés pour une valeur d'environ 200 livres. C'était ainsi que Miss Garth l'avait à bon droit conjecturé, ce que Magdalène avait retiré de ses bijoux et de ses toilettes, secrètement vendu grâce à l'assistance de la domestique du pensionnat. Elle replaça immédiatement les billets de banque, sans leur accorder un second regard, puis elle se mit à considérer, assise et pensive, la boucle de cheveux étalée sur ses genoux. « Vous valez mieux que rien, » disait-elle, lui adressant la parole par une tendre fantaisie de jeune fille. Je pourrais quelquefois, comme aujourd'hui, vous contempler tout à l'aise, et me figurer que j'ai Franck sous les yeux. Oh, mon Franck, mon bien-aimé. Sa voix faiblit doucement, et avec une langueur caressante, elle porta la boucle de cheveux à ses lèvres. De là, échappant à ses doigts émus, cette boucle tomba dans son sein. Aussitôt une charmante rougeur couvrit ses joues, et gagnant son cou de proche en proche, semblait vouloir suivre dans leur chute ses cheveux tombés si à propos. La jeune fille ferma les yeux, et sa tête s'inclina doucement. Le monde entier disparut devant elle, et dans cette minute d'enchantement, l'amour rouvrit, pour une des filles d'Ève, les célestes portes du paradis. Les bruits vulgaires de la rue voisine, plus nombreux à mesure que la matinée avançait, ramenèrent violemment Magdalène aux dures réalités du présent. Elle releva la tête avec un profond soupir et laissa de nouveau ses yeux errer sur son ignoble et misérable logement. Les extraits du testament et de la lettre, ces derniers souvenirs de son père, maintenant si étroitement associés au dessein qui la possédait tout entière, étaient encore exposés devant elle. La rougeur éphémère disparut de ses joues au moment où elle déplia le petit manuscrit. Les passages extraits du testament occupaient le haut de la page. Magdalène s'était bornée à copier les quelques paroles touchantes par lesquelles le père, qui n'était plus, sollicitait ses enfants de lui pardonner la souillure de leur naissance, en les suppliant de se rappeler par quelle affection constante et par quels infatigables soins il avait essayé d'expier sa faute. Venait ensuite l'extrait de la lettre à Mr. Pendril. Magdalène se lut à elle-même et tout haut ces dernières lignes si tristes. « Pour l'amour de Dieu, venez aussitôt ma lettre reçue. Venez m'enlever cette terrible pensée que, provisoirement, l'avenir de mes deux filles chéries n'est aucunement garanti. S'il m'arrivait malheur, et si mon désir de m'acquitter envers leur mère devait aboutir, par suite de mon ignorance des lois, à déshériter Nora et Magdalène, je ne reposerai pas tranquille au fond de ma tombe. » Au-dessous de ces lignes, et tout au bas de la page, était écrit le terrible commentaire que les lèvres de Mr. Pendril avaient attaché à cette lettre suprême. « Les filles de Mr. Vanstone ne sont désormais les enfants de personne, et la loi les livre sans ressources à la merci de leur oncle. » Sans ressources. Quand ces mots avaient été prononcés, sans ressources encore, après tout ce qu'elle avait résolu, après tout ce qu'elle avait sacrifié, sa rentrée dans les droits qu'elle et sa sœur tenaient de la nature, et que sanctionnaient directement les dernières volontés exprimées par son père. La délivrance de Franck rappelée de Chine, sa propre justification pour avoir quitté Nora, tout cela dépendait maintenant du succès que pouvait obtenir sa tentative désespérée pour recouvrer à tout risque l'héritage perdu et l'arracher à l'homme qui, non content de ruiner les enfants de son frère, les avait encore abreuvés d'outrage. Et cet homme était encore pour elle une ombre impalpable. Elle ne savait encore, en ce moment même, ni ce qu'il était, ni où le chercher. Elle se leva et arpenta la chambre avec les allures muettes et le gracieux abandon d'une panthère captive. « Comment l'atteindre sans qu'il me connaisse ?» se disait-elle. « Comment découvrir ?» Elle s'arrêta soudain, avant que la question qu'elle se posait ainsi eût été complètement formulée. Le capitaine Reig lui était revenu à l'esprit. C'était un homme habitué à travailler dans la nuit. Doué, comme audace et comme ruse, d'inépuisables ressources. Et cet homme, qui ne reculerait devant aucun emploi, même le plus ignoble, si on lui en proposait un qui pût remplir sa bourse, n'était-il pas l'instrument que, dans la nécessité présente, réclamait la main de Magdalène? Deux conditions étaient à remplir, bien évidemment, avant qu'elle pût faire un pas de plus sur sa route fatale. Il lui fallait obtenir sur le frère de son père des renseignements plus amples que ceux qu'elle possédait. Il fallait aussi que, durant cette enquête, son ennemi complètement hors de garde ne la soupçonnât aucunement de s'y livrer. Si résolue qu'elle fût à ne compter que sur elle-même, l'espionnage inévitable qu'il fallait employer au début ne se pouvait exercer que par délégué. Or, dans la position faite à la jeune fille, de quelle créature humaine pouvait-elle disposer, sauf du bohémien qui l'attendait en bas? D'aucune, sans contredit. Elle y réfléchit avec anxiété. Longtemps elle y réfléchit, sans trouver une autre combinaison. Donc, ce dilemme se dressait devant elle. Ou employer le drôle qui s'efforçait à la servir, ou renoncer au dessein qu'elle avait formé. Elle s'était arrêtée au milieu de la chambre. « Au pire, que peut-il faire ? » se disait-elle. « Me duper ? Eh bien, si c'est mon argent qui l'a servi à moi, que m'importe, je me laisserai voler. » Elle alla machinalement reprendre sa place près de la fenêtre. La minute suivante la décida. La minute suivante lui fit poser le pied sur la pente fatale. Elle résolut d'affronter le danger et de mettre le capitaine Raig à l'épreuve. La maîtresse de la maison vint, à 9 heures, prévenir Magdalen, en lui apportant les compliments du capitaine, que le déjeuner était servi. Mrs. Raig était seule, enveloppée dans un vaste peignoir de cotonnade brune, à capuchon, et garnie de rubans roses d'une nuance équivoque. L'ancienne demoiselle des dining rooms de Darch était absorbée dans la contemplation d'un grand plat renfermant une substance quelconque, qui avait l'aspect d'une espèce de cuir tacheté de jaune et profusément émaillé de petits points noirs. « Voilà, » disait Mrs. Raig, « voilà l'omelette aux fines herbes. Notre hôtesse m'a donné un coup de main, et à nous deux, nous avons fait ceci. N'en demandez pas au capitaine quand il viendra. Non, n'est-ce pas, vous serez bien aimable. Dites si elle n'est pas bien. Et pourtant, nous avons eu quantité d'accidents. Elle est tombée dans les cendres, elle a été renversée sur l'escalier. Elle a brûlé le petit dernier de notre hôtesse qui était allée s'asseoir dessus. Au fond, voyez-vous, elle n'est pas moitié aussi bonne qu'on le croirait. N'en demandez pas. Peut-être, si vous n'en dites rien, n'y prendra-t-il pas garde. Et que pensez-vous de mon peignoir? Je voudrais tant en avoir un blanc. En avez-vous un blanc, vous? Comment est-il garni, dites? » L'entrée du formidable capitaine arrêta sur les lèvres de sa femme la question qui allait suivre. Par bonheur pour elle, il était trop préoccupé de la décision que Magdalen lui avait promise pour accorder aux questions gastronomiques autant d'attention que d'ordinaire. Le déjeuner achevé, il renvoya Mrs. Raig, sans autre allusion à l'omelette qu'une permission sans réserve de la donner au chien, s'il en voulait. « Comment ma petite proposition vous apparaît-elle au grand jour ? » demanda-t-il, installant 2 fauteuils pour Magdalen et pour lui. « À quoi nous arrêtons-nous ? » « Capitaine Raig, chargez-vous de moi. » « Ou bien, capitaine Raig, je vous souhaite le bonjour. » « Vous allez le savoir tout de suite, » répondit Magdalen. « Mais d'abord, une explication préliminaire. Je vous ai dit hier soir que j'avais un autre objet en vue, outre celui de gagner ma vie au théâtre. « 1000 pardons, » interrompit le capitaine Raig. « Est-ce bien gagner votre vie que vous venez de dire ?»« Certainement. » Ma sœur et moi, nous n'avons plus à compter que sur notre travail pour nous procurer le pain de chaque jour. « Et quoi ?» s'écria le capitaine, se levant tout à coup avec un ébahissement douloureux. « Les filles de mon riche et regrettable allié en seraient-elles réduites à gagner leur vie ? Mais c'est impossible, c'est extravagant, c'est insensé. » Il se rassit alors et regarda Magdalen du même air que si elle venait de lui infliger un dommage personnel. « Vous ne connaissez pas encore toute l'étendue de nos malheurs, » reprit la jeune fille d'un ton calme. « Avant de passer outre, j'ai à vous raconter tout ce qui est survenu. » Elle le lui dit, en effet, immédiatement, dans les termes les plus simples qui s'offrirent à elle et avec aussi peu de détails que possible. La profonde stupéfaction du capitaine Raig ne lui laissait que la conscience bien nette de l'effet produit sur son intelligence étonnée par le récit qu'il venait d'écouter. La récompense de 50 livres offerte par l'avocat à quiconque ferait retrouver la jeune fille égarée prit aussitôt dans ses calculs un rang bien supérieur à celui qu'elle avait occupé jusqu'alors. « Dois-je comprendre, demanda-t-il, que vous êtes absolument à court de ressources actuelles ?»« J'ai vendu mes bijoux et mes toilettes du soir, » dit Magdalen, qui le voyait avec impatience insister sur ses vulgaires considérations. Si mon inexpérience retarde mes progrès au théâtre, j'ai de quoi me suffire jusqu'à ce que le théâtre puisse me rémunérer. » Le capitaine Raig apprécia, par un calcul intime, ce que pouvaient valoir les bagues, les bracelets, les colliers, les soies, satins, dentelles appartenant à la fille d'un gentleman opulent, et ce, calculés au tiers de leur valeur réelle. L'instant d'après, la récompense de 50 livres, déchue soudainement, tomba au plus profond des profondes combinaisons de ce judicieux personnage. « Fort bien, » dit-il sur le ton le plus positif de l'homme d'affaires. « Vous n'avez nullement à craindre, ma chère enfant, que vos progrès soient retardés au théâtre, si vous possédez quelques ressources actuelles, et si vous savez profiter de mon assistance. J'ai à réclamer de vous plus d'assistance que vous ne m'en avez encore offert, ou à me passer complètement de votre aide, » dit Magdalene. « Devant moi se dressent bien d'autres obstacles que la difficulté de quitter York ou celle de me frayer un chemin vers le théâtre. »« En vérité, je suis tout oreille, expliquez-vous. » Avant de leur laisser franchir ses lèvres, elle pesa soigneusement les paroles qui allaient suivre. « Il est certaine enquête, dit-elle, que j'ai un grand intérêt à faire. Si je l'entreprenais moi-même, j'éveillerais l'attention de la personne qu'elle concerne, et je n'obtiendrai qu'en partie, peut-être même n'obtiendrai-je en aucune façon, les informations que je désire. Si cette enquête pouvait être faite par un étranger, sans que j'y parusse en rien, il m'aurait rendu un service bien autrement important que celui dont je vous fus redevable hier au soir. » Sur la face bohémienne du capitaine Raig se peignit à ces mots une attention sérieuse et profonde. « Puis-je savoir de quelle nature est cette enquête ?» Magdalene hésita. Il lui avait fallu mentionner le nom de Michel Vanstone en racontant au capitaine comment elle se trouvait déshéritée. Il faudrait inévitablement lui répéter encore ce nom s'il devenait son agent. Par une suite de déductions bien simples, il le découvrirait lui-même, quelque soin qu'elle mît à ne pas le prononcer, pour peu qu'elle hasardât encore quelques paroles. En de telles circonstances, y avait-il pour elle quelque motif plausible à reculer devant une mention directe du nom de Michel Vanstone? Aucun, certes, qu'on pût expliquer, et cependant, elle recula. « Par exemple, poursuivit le capitaine Raig, s'agit-il dans cette enquête d'un homme ou d'une femme, d'un ennemi ou d'un ami ?»« Un ennemi, » répondit-elle vivement. Cette réponse ambiguë aurait pu laisser le capitaine dans les ténèbres, mais le regard de la jeune fille l'éclaira soudainement. « Michel Vanstone, » pensa Raig, toujours bien avisé. « La petite semble à craindre. Tâtons encore un peu le terrain. »« Si nous partions maintenant, » reprit-il, « de l'enquête elle-même, vous êtes-vous fait une idée bien nette de ce que vous désirez savoir relativement à cet individu ?»« Une idée parfaitement nette, » répondit Magdalene. Et pour commencer, je voudrais savoir où il réside. Ah, et après cela, je voudrais savoir quelles sont ses habitudes, quels gens il voit, quelles dépenses il fait. Ici, elle réfléchit un peu. Encore autre chose, dit-elle. Je voudrais savoir s'il y a une femme dans sa maison, ou parente, ou chargée de tenir le ménage, qui ait acquis sur lui quelque influence. Jusqu'ici, pas grand mal, dit le capitaine. Et ensuite? Plus rien, le reste est mon secret. Les nuages qui obscurcissaient la physionomie du capitaine Raig commencèrent à se dissiper encore une fois. Il revint avec sa précision habituelle au dilemme dont il était coutumier. Cette enquête dont elle parle, pensait-il, ne saurait avoir que l'un de ces deux objets, mal à faire, argent à gagner. S'il s'agit de mal à faire, je lui glisserai entre les doigts. S'il s'agit d'argent, je saurais me rendre utile en vue des chances futures. » Les yeux vigilants de Magdalene étudiaient le développement suspect des réflexions auxquelles se livrait son interlocuteur. « Capitaine Raig, dit-elle, si vous voulez prendre le temps de réfléchir, dites-le tout uniment. »« Pas une minute ne m'est nécessaire, » répondit le capitaine. « Confiez à mes soins votre départ d'York, votre carrière dramatique, votre enquête mystérieuse. » Me voici tout entier à votre disposition. Et maintenant, tranchons le mot, m'acceptez-vous? » Le cœur de la jeune fille battit plus vite. L'émotion sécha ses lèvres, mais le mot décisif fut prononcé. J'accepte. Ici, la conférence fut suspendue. Magdalene, assise et muette, luttait contre les vagues terreurs de l'avenir que sa réponse évoquait autour d'elle. Le capitaine Reig, de son côté, semblait s'absorber dans la contemplation de quelques nouveaux dilemmes. Ses mains, plongées au fond de ses poches vides, en sondaient prophétiquement la capacité, comme réceptacle de l'or et de l'argent qui allait y pleuvoir. L'éclat de ces précieux métaux se reflétait sur son visage, et sa voix avait quelque chose de leur timbre sonore, lorsque, ravitaillé de paroles nouvelles, il reprit l'entretien. « La question qui se présente maintenant, dit-il, est une question de temps. Ces investigations confidentielles que vous réclamez, faut-il y vaquer immédiatement ou peuvent-elles attendre ?»« Elles peuvent attendre pour le moment, répondit Magdalen. Avant qu'il y soit procédé, je veux mettre ma liberté hors d'atteinte. À merveille ! Le premier pas à faire dans cette direction doit être, pardonnez cette métaphore professionnelle à un militaire, de battre en retraite d'Edmund. Jusque-là, je vois clair sur ma route. Mais ensuite, je demanderai au quartier général mes ordres de marche, comme nous disions dans la milice. Il me semble pourtant que nous aurons à nous occuper en première ligne de réaliser vos visées dramatiques. Je suis à vos ordres pour cela, dès que je les connaîtrai plus complètement. Comment se fait-il que vous ayez songé au théâtre ? Je vois le feu sacré brûler en vous. Qui donc en alluma la première étincelle ? Magdalen n'avait qu'une réponse à lui faire. Il fallut bien revenir sur les belles journées à jamais disparues et raconter l'histoire de ses brillants débuts à Evergreen Lodge. Le capitaine Reig l'écoutait avec sa courtoisie ordinaire, mais ne tirait bien évidemment de ce récit aucune impression décisive. À des auditoires d'amis, il refusait tacitement toute compétence, et l'opinion du metteur en scène était celle d'un homme qui parlait, sans salaire en poche, avec l'espoir d'un engagement ultérieur. « Intéressant, tout à fait intéressant, » dit-il quand Magdalen eut fini. « Mais pour un homme pratique, tout cela ne conclut pas. Un échantillon de vos talents est indispensable pour m'éclairer. J'ai moi-même joué la comédie. La pièce des Rivaux m'est familière d'un bout à l'autre. Si vous n'avez pas oublié vos rôles, une simple tirade me suffira. Une tirade de Lucie, une tirade de Julia. » « Je n'ai pas oublié mes rôles, » dit Magdalen tristement. « Et j'ai toujours avec moi les petits cahiers sur lesquels étaient copiées mes répliques. Jamais je ne m'en suis séparé. Il me rappelle un temps. » Ici, ses lèvres frémirent, et un serrement de cœur lui coupa la parole. « Vous êtes nerveuse, » remarqua le capitaine avec indulgence. « Ce n'est pas un mauvais symptôme. Les plus grandes actrices de notre époque sont nerveuses. Suivez leur exemple et domptez vos nerfs. Où sont les rôles ? Ah, les voici. Jolie écriture, remarquablement nette. Je vous donnerai les répliques. Et l'opération, comme disent les dentistes, sera l'affaire d'un tour de main. Prenez pour la scène le salon du fond et prenez-moi pour l'auditoire. La cloche a tinté, le rideau se lève. Pas tant de bruit dans la galerie, silence au parterre. Lucie fait son entrée. Magdalen, par d'énergiques efforts, tâchait de se maîtriser. Elle refoulait son chagrin, ce chagrin si naturel que lui causait le souvenir des absents et des morts, se refusant les larmes que son cœur lui demandait avec instance. Courageusement, tandis que ses mains glacées se crispaient, elle tâcha de commencer. Aussitôt que les premières paroles, tant de fois répétées, eurent vibré sur ses lèvres, Franck revint vers elle des mers lointaines. Et elle vit se fixer sur elle, avec le sourire de cet heureux temps d'autrefois, le regard de son père à jamais parti. Les voix de sa mère et de sa sœur résonnaient doucement dans le calme embaumé de la campagne, et les allées de Combraven s'ouvrirent encore une fois devant elle. Avec un faible gémissement, elle se laissa tomber dans un fauteuil. Sa tête s'inclina sur la table, et par un élan passionné, la jeune fille fondit en larmes. Le capitaine Reig fut sur pied en un moment. Comme il approchait d'elle, Magdalen frissonna, et l'écartant du geste avec véhémence, « Laissez-moi une minute, laissez-moi seul. » Le capitaine, toujours complaisant, se retira dans la chambre donnant sur la rue et accoudé à la fenêtre, sifflotant tout bas. « C'est le tempérament de notre race, » disait-il, « compliqué par des attaques de nerfs. » Après une ou deux minutes d'attente, il revint s'enquérir de l'état de Magdalène. « Puis-je vous offrir quelques secours ? » demandait-il. « De l'eau fraîche ? Des plumes brûlées ? Des sels ? Un médecin ? Convoquerai-je Mrs. Rigg ? Remettrons-nous à demain ?» Elle se redressa impétueuse, les joues enflammées, son visage exprimant une volonté désespérée, son attitude une sorte de résolution irritée et violente. « Non, disait-elle, il faut m'endurcir, et je m'endurcirai. Rasseyez-vous, je vais jouer. »« Bravo, s'écria le capitaine. Chargez, ma belle, et la victoire est à vous. » Elle chargea, effectivement, se portant à elle-même un défi insensé. La voix plus vibrante que jamais, et les joues animées d'un éclat fiévreux. Le charme innocent et juvénile quand des jours plus heureux et meilleurs avaient eu son jeu. Ce charme n'existait plus. L'aptitude dramatique qui était naturellement en elle se manifestait, ferme et hardie, sans aucune de ces douces atténuations qui, jadis, la rendaient plus séduisante. Magdalène eut attristé, déçu, tout homme doué d'une certaine délicatesse. Par contre, le capitaine Rigg fut électrisé. Il en oublia sa politesse. Il en oublia sa phraséologie polysyllabique. Le fond de sa nature bohémienne se révéla irrésistiblement dans la première exclamation que la surprise lui arracha. Qui diable l'aurait cru ? Elle peut jouer après tout. Ces mots à peine sortis de sa bouche, il recouvra son sang-froid et revint à ses habitudes de causerie solennelle. Magdalène l'arrêta court au milieu de son premier compliment. « Non, disait-elle, je vous ai forcé pour une fois de dire ce que vous pensiez, je n'en demande pas davantage. » « Pardonnez-moi, reprit l'incorrigible Rigg. Vous vous demandez encore un peu de culture, et je suis homme à vous la donner. » Là-dessus, il avança pour elle un fauteuil et se mit aussitôt à professer. Elle restait assise, dans le plus profond silence. Une sombre indifférence se manifesta bientôt dans toute sa manière d'être. Son visage redevint pâle. Ses yeux, vaguement fixés sur la muraille qui lui faisait face, n'exprimaient plus qu'une lassitude découragée. Le capitaine Rigg, notant au passage ses symptômes d'abattement et de malaise, suite de l'effort qu'elle venait de faire, comprit qu'il était essentiel de la ranimer en lui tenant cette fois un langage net et précis. Dans le secret de ses pensées mercenaires, il lui accordait maintenant une valeur nouvelle. Sa jeunesse, sa beauté, ses dispositions dramatiques vraiment remarquables venaient de lui suggérer une spéculation à laquelle il ne songeait pas avant de l'avoir vue jouer. L'ex-milicien savait rapidement modifier sa manœuvre. Au moment où Magdalène s'asseyait pour écouter ce qu'il avait à dire, ses plans et son attitude étaient déjà changés. « L'opinion de Mr. Huxtable est tout à fait la mienne, commença-t-il. Vous êtes née comédienne. Il vous faut un enseignement régulier. Je suis maître de mon temps, j'ai la capacité requise, j'en ai formé d'autres, je puis vous former. Ne vous en rapportez pas à mes paroles, rapportez-vous-en à mes calculs d'intérêt personnel. J'aurai à cœur de vous façonner et de vous façonner vite. Vous me paierez mes leçons sur vos salaires dramatiques. Pour la première année, j'aurai droit à la moitié de vos appointements, au tiers pour la seconde et la moitié du produit de la première représentation à bénéfice qu'on vous accordera sur un théâtre de Londres. Que dites-vous de tout ceci ? Suis-je ou non intéressé désormais à vous faire faire votre chemin ? Selon toutes les apparences, du moins en ce qui touchait au théâtre, il avait évidemment identifié les intérêts de Magdalène et les siens propres. Elle le reconnut en peu de paroles, prêtant d'ailleurs son attention à ce qu'il allait ajouter. « Un mois ou six semaines d'études, continua le capitaine, me donneront assez l'idée du genre qui vous convient le mieux. Chaque talent a son ornière à creuser, reste à découvrir la vôtre. Cela ne saurait se faire ici, car nous ne pouvons vous garder au secret dans Rosemary Lane pendant des semaines entières. Il nous faut pour un bon mois quelques paisibles maisons de campagne, à l'abri de toute importunité, de toute interruption. Fiez-vous à ma connaissance du comté d'York, et d'ores et déjà, regardez l'endroit comme trouvé. Je ne vois d'obstacle nulle part, si ce n'est dans la difficulté de battre en retraite dès demain. Je croyais que vos arrangements étaient pris dès hier soir, dit Magdalène. Parfaitement juste, répondit son interlocuteur. Ils étaient pris hier soir et les voici. Nous ne pouvons nous en aller par le chemin de fer, attendu que le clerc d'avocat vous guettera bien certainement à la gare d'York. Fort bien. Nous prenons alors la grande route, et nous partons dans notre carrosse. Mais où diable nous le procurer? Chez le frère de notre hôtesse, propriétaire d'un cheval et d'une voiture dont il tire parti en les louant. Cette voiture vient demain matin, de bonne heure, se poster à l'extrémité de Rosemary Lane. J'emmène ma femme et ma nièce pour leur faire admirer les environs. Nous emportons un panier de provisions qui caractérise aux yeux du public cette partie de campagne. Un châle, un chapeau et un voile de Mrs. Reig vous travestissent complètement. Nous tournons le dos à York, et nous voilà partis pour passer une journée au champ. Vous et moi sur le siège de devant, Mrs. Reig sur celui de derrière. Tout va bien encore. Une fois sur la grande route, quelle est notre marche? Nous nous faisons conduire à la première station au-delà de York, soit au nord, soit au sud, soit à l'est, suivant ce qui sera décidé plus tard. Là ne vous guette aucun clerc d'avocat. Vous et Mrs. Reig, vous descendez après avoir saisi la première occasion favorable pour ouvrir le panier. Au lieu de renfermer de la volaille et du vin de champagne, il donne asile à un sac de nuit où sont les effets indispensables pour cette première soirée. Vous demandez vos billets pour l'endroit fixé d'avance, et je reviens à York avec la voiture. Rentré en cette maison, je réunis le demeurant des bagages, et j'envoie quérir la femme d'en bas. Ces dames sont si enchantées de tel endroit, je n'indique pas le vrai, bien entendu, qu'elles se sont décidées à y rester. Au lieu du congé que j'avais à vous donner 8 jours d'avance, veuillez accepter une semaine de loyer. Bien le bonjour. Est-ce que le clerc me guette, moi, devant la gare d'York? Pas le moins du monde. À sa barbe et à son nez, je prends mon billet. Je vous suis, avec les bagages, sur la même ligne de fer, et où reste-t-il, je vous prie, la moindre trace de votre départ? Plus personne. La fée s'est évanouie. Les autorités légales ne savent plus à quel saint se vouer. « Que parlez-vous alors de difficultés ? » demanda Magdalène. « Vous semblez avoir pourvu à toutes. »« À toutes, sauf une, » dit le capitaine Reig, prononçant ce dernier mot avec une emphase significative. « La plus grande que l'homme rencontre sur la route qui le mène du berceau à la tombe, l'argent. » Il cligna lentement de son œil vert, poussa un soupir profond et sincère, et dans ses poches arides enterra ses mains si fréquemment insolvables. « À quoi l'argent pourra-t-il servir ? » demanda Magdalène. « À payer ma note ?» répondit le capitaine avec une simplicité touchante. « Veuillez bien me comprendre. Personnellement, je n'ai jamais désiré, je ne désirerai jamais, payer un seul farthing à n'importe quelle créature humaine de ce globe plus ou moins habitable. C'est dans votre intérêt que je parle, non dans le mien. Dans mon intérêt ? Certainement. Sans la voiture, vous ne pouvez quitter York demain en toute sécurité. Et sans argent, je ne puis me procurer la voiture. Le frère de notre hôtesse me la louera, s'il voit la note de sa sœur dûment acquittée, et s'il touche d'avance le prix de location. Sans cela, néant. Envisageons maintenant la transaction comme une affaire à traiter. Il est convenu que je serai rémunéré de mes enseignements dramatiques sur les profits que le théâtre vous fera réaliser dans l'avenir. À merveille. J'escompterai donc simplement mes espérances. Et vous, de qui ces espérances dépendent, vous devenez tout naturellement mon banquier. Pour faciliter le raisonnement, apprécions ma quote-part dans vos salaires de la première année comme devant me rapporter 100 livres. Évaluation d'une infériorité presque ridicule. Prenons la moitié de cette somme. Prenons-en le quart. Combien vous faut-il ? Interrompit Magdalène avec impatience. Le capitaine Reig était bien tenté de prendre pour base de ses calculs le chiffre de la récompense promise par les affiches. Mais il comprenait l'immense importance que pouvait avoir, dans l'avenir, la modération qu'il s'imposerait dans le présent. Et sa position actuelle, exigeant tout au plus une avance de 12 ou 13 livres, il se contenta de doubler ce chiffre. Magdalène retira le petit sac caché dans le corsage de sa robe et lui remit 25 livres, s'étonnant dédaigneusement qu'il eût dépensé tant de paroles pour en arriver à la duper dans de si mesquines proportions. À Combraven, une simple signature de son père faisait tomber 25 livres dans la main de n'importe quel membre de la famille à qui venait l'idée de les demander. Les yeux du capitaine Rigg s'arrêtèrent sur le sachet comme ceux d'un amant sur le visage de sa maîtresse. « Heureux trésor, » murmura-t-il, quand Magdalène le replaça dans son sein. Puis il se leva et, fouillant dans un coin de la chambre, il exhiba son élégant pupitre qu'il vint solennellement déposer et ouvrir sur la table placée entre Magdalène et lui. « Chacun a son naturel, ma chère enfant, chacun a son naturel, » disait-il, ouvrant un de ses petits livres rebondis, habillés de veau et de parchemin. Une transaction a eu lieu entre nous. Il faut qu'elle soit inscrite ici régulièrement. Puis, au sommet d'une page encore vierge, il écrivit d'une belle main tout à fait commerciale « Miss Vanstone, la cadette. Son compte courant chez Horatio Rigg, ex-officier de la milice royale. Compte débiteur, 24 septembre 1846. » Évaluation de la part promise à H. Rigg dans les appointements que Miss V touchera pour sa première année, soit par hypothèse de 100 livres sterling. Compte créditeur, payé à compte 25 livres sterling. Ayant ainsi passé ses écritures et montré de plus, en doublant pour le compte débiteur son évaluation première, que la facilité de Magdalène à bien accueillir sa première requête n'avait pas été pour lui un indice inutile, le capitaine passa sur l'encre humide une feuille de papier buvard et remit le livre en place en se donnant les airs d'un homme qui vient de faire acte de vertu mais qui dédaigne de s'en vanter. « Excusez-moi de vous quitter un peu brusquement, dit-il. Nous n'avons pas de temps à perdre. J'ai à m'assurer de la voiture. Si Mrs. Rigg vient de ce côté, ne lui soufflez mot de tout ceci. » Elle n'est pas assez fine pour qu'on se fie à elle. Si elle osait vous questionner, remettez-la tout aussitôt à sa place. Vous n'avez pour cela qu'à parler haut. Acceptez l'autorité que je vous délègue, et parlez à Mrs. Rigg aussi haut que je lui parle moi-même. » Ce disant, il décrocha son grand chapeau, salua, sourit, et sortit de la chambre en se balançant sur ses hanches. N'éprouvant guère en ce moment que le soulagement de se trouver seul, et sans autre impression bien nette que la conscience de quelque grave changement survenu en elle et dans sa position, Magdalène laissait les incidents de la matinée aller et venir, comme autant de fantômes dans son cerveau fatigué. C'est ainsi qu'elle attendait ce que pourrait amener de nouveau le reste de la journée. Quelque temps s'était écoulé lorsque la porte s'ouvrit doucement. L'énorme Mrs. Rigg se glissa dans la chambre et vint s'arrêter en face de Magdalène dans une attitude de surprise solennelle. « Où sont vos effets ?» demanda la géante, avec une anxiété dont elle ne pouvait contenir l'élan. « Je suis allée là-haut regarder dans vos tiroirs. Où sont vos camisoles et vos bonnets de nuit, et vos jupons et vos bas, et vos épingles et vos pommades, et tout le reste ?»« Mon bagage est resté à la station du chemin de fer, » dit Magdalène. La face lunaire de Mrs. Rigg s'éclaira de lueurs voilées. L'instinct de curiosité, qui a de si profondes racines chez les femmes, essaya de briller dans ses yeux d'un bleu terni, mais il y vacilla pitoyablement et s'éteignit aussitôt. « Beaucoup de bagages ? » demanda-t-elle en confidence. « Le capitaine est sorti, allons les chercher. »« Mrs. Rigg !» cria de la porte une voix terrible. Magdalène vit alors, pour la première fois, Mrs. Rigg demeurait sourde aux stimulants habituels. Même en présence de son mari, elle se permettait une faible remontrance. « Oh, laissez-lui prendre ses effets, » disait Mrs. Rigg, insistant. « Pauvre petite, ne la privez pas de ses effets. » L'inexorable index du capitaine lui désigna un coin de la chambre, s'abaissa lentement, tandis que la docile épouse s'y retirait en toute humilité. Puis tout à coup s'arrêta, juste à la hauteur des souliers de Mrs. Rigg. N'entends-je pas traîner quelque chose sur le parquet ? S'écria le capitaine avec une expression d'horreur. Oui, je ne me trompe pas, encore en pantoufles. Le soulier gauche, cette fois. Relevez le quartier, Mrs. Wade, relevez le quartier. La voiture sera ici, demain matin, à 9 heures, continua-t-il, s'adressant à Magdalène. Nous ne pouvons à aucun prix risquer de réclamer votre mal. Voici une feuille de papier. Écrivez la liste des objets qui vous sont indispensables. J'irai moi-même dans les magasins. Je paierai les notes pour votre compte et je rapporterai le paquet. Il faut sacrifier la malle. Il le faut, en vérité. Tandis que son mari parlait à Magdalène, Mrs. Raig, à la dérobée, était sortie de son coin et s'était assez rapprochée du capitaine pour entendre les mots magasin et paquet. Dans une agitation qu'elle ne put modérer, elle se mit à frapper ses grandes mains l'une contre l'autre et perdant d'aussitôt tout empire sur elle-même. « Oh ! Cria-t-elle, s'il s'agit de courir les magasins, au nom du ciel, permettez-moi d'en être. Elle sort pour faire ses emplettes, laissez-moi l'accompagner. Oh, je vous en prie, laissez-moi l'accompagner. »« Asseyez-vous ! Hurla le capitaine. « Tenez-vous, plus à droite, encore un peu, demeurez en place. » Mrs. Raig croisa sur ses genoux ses mains inoffensives et se mit doucement à fondre en larmes. « J'aime tant à courir les magasins, » disait la pauvre créature avec l'accent de la prière. « Et cela m'arrive si peu à présent. » Magdalène acheva sa liste, et le capitaine Raig, s'en chargeant comme il avait dit, quitta aussitôt la chambre. « Ne vous laissez pas ennuyer par ma femme, » disait-il agréablement, sur le point de sortir. « Brusquez-la un peu, la pauvre âme, brusquez-la sans vous gêner. »« Ne pleurez pas, » dit Magdalène, qui essayait de consoler Mrs. Raig, et lui passait amicalement la main sur l'épaule. « Quand le paquet sera là, je vous le laisserai ouvrir la première. »« Je vous remercie, ma chère enfant, » répondit la pauvre géante qui doucement s'essuyait les yeux. « Je vous remercie de tout mon cœur. Ne prenez pas garde à ce mouchoir, je vous en prie. Il est si petit, si petit. J'en avais autrefois un bel assortiment, garni de dentelles. Ils sont tous partis maintenant. N'y pensons plus. Je me consolerai en défaisant votre paquet. Vous êtes bien bonne pour moi, et je vous aime. Voyons, vous n'allez pas vous fâcher, n'est-ce pas? Embrassons-nous. » Magdalène, avec son gracieux abandon d'autrefois, se pencha vers elle et posa ses lèvres sur les joues flétries de la pauvre idiote. « Faisons autre chose que le mal, » pensait-elle avec un serrement de cœur. « Oh oui, en souvenir du temps qui n'est plus, faisons acte d'innocence et de bonté. » Elle sentait ses yeux se mouiller et silencieusement se détourna. Cette nuit-là, elle ne prit aucun repos. Cette nuit-là, déployant toutes leurs ressources, le bien et le mal se disputèrent son âme avec une lutte acharnée, et l'issue du combat était encore indécise quand la matinée arriva. Au moment où l'horloge de la cathédrale sonnait 9 heures, Magdalène suivit Mrs. Raig jusqu'à la voiture et prit place à côté du capitaine. Un quart d'heure après, York était déjà loin derrière eux, et devant eux se déroulait la grande route blanche reflétant le soleil du matin.